clin d'œil. Je ne sais comment faire pour lui déclarer ma flamme. Je suis le coursier, son père ne voudra point. La fille ou le job, ce dilemme me chagrine. Sur elle augmente ma folie. Je ne peux résister, j'en attrape des frissons. Je n'ai pas d'héritage, faut-il tourner la page? Tant pis pour le job, mon destin je le suivrai.